Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillahirrahmanirrahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب الآن سنصوب التمارينات التي أخذنا في درس سابق ونكوجي لإزرسيس كما نفعل في أجوزي في درس بسيدان. Donc, le bidaya kunna al-asile. Donc, en premier, les questions qui se rapportent au texte. Al-awwal, ajib an al-asilati al-atiya. Répond aux questions suivantes. Min aina ha Hisham. Hisham. Innahu min al-hindi. Wa Hisham. هشام هاشم هشام اش عندك انت اين درس ثاني لا درس الاول ها هو نعم طيب عفوا كنت في درس ثاني هذا ايوه هاشم طيب ونسول من اين هاشم انه من الهند اي يحبه المدرس إن المدرس يحبه. طيب من أين ساعته؟ دو سامونتر. إنها من الهندي. بكم هي؟ combien coûte؟ إنها بمئة روبية. لا. بمئة روبية. نعم. كم أخ له؟ combien de frères؟ لعله ثلاثة إخوة. لعله. لا ما أحتاج إلا على يقول كم أخا له إن له ثلاثة إخوتين كم أختا له كميات الدسار له أربع أخواتين أين أخواته وصن سيسار إنهن بالمدينة النبوية طيب ثانيا ضع هذه العلامات أي الخط الخط أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أي صليب الكروة أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc tu mets un trait devant les phrases qui sont correctes et une croix devant celles qui sont fausses. أولا هاشم طالب كسلان. Est-ce que هاشم est un étudiant fainéant, un cancre? Non, donc il donne salib, une croix. Hashim talibun mujtahidun. Yani Hashim est un élève studieux. Non, sahiha. Sa'atuhu rakhisatun. Sa montre est pas chère. Non. Sa'atuhu ghaliyatun. Salib. Non, fazal est fausse. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. صليب نعم ساعته بمية روبية صحيح أخواته بالمدينة النبوية صحيح أخواته بالهندي صليب نعم طيب إذن قلنا ما سي كوا لو طيب avant ça il y avait un autre رقم كم رقم 12 ايوه طيب اقرا الجمل مع العدد والحركات تولي لي فراز اون ميتون لي حركات سور لي مو ليش هذه الا سي في ساعه فعلا هذا 12 كما قلت En lettres. هذا تلفاز تلفاز تلفاز بألف لا بألف ريالين ريالين عندي ألف دولار لا ألف دولار نعم عندي ألف دولار في هذا الكتاب في هذا الكتاب نعم مئة صفحة نعم بكم هذه الحقيبة هي بمئة ريال لا هنا بكم هذه الحقيبة بكم هذه الحقيبة هي بمئة ريال بمئة ريال بمئة بمئة ريال نعم في هذه الكلية مئة طالب من باكستان ومئة طالب من إندونيسيا. نعم. طيب. فما كان عمل إنا؟ C'était quoi إنا؟ Ça fait quoi? Ça appuie sur ce qu'on veut dire. Ça la renforce si c'est une affirmation et ça renforce la négation si c'est négatif, si c'est une phrase négative. Ou Amin Haïsou, elle est là par rapport à son statut grammatical. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'elle rentre dans une phrase? Le nom qui est derrière, il est Mansoub. Il est Mansoub. Moi, Wa Masmuhu. Ismo Inna. Naam. Là où qu'un Khabar, il voulait Ismo Inna. Ou le Khabar Masmuhu. Khabar Inna. Naam. Ou Wa Marfoua. Il est Marfoua. طيب الان سندخل في الدرس الثاني طيب عندنا هشام وبلال انا ساقرا هشاما وانت بلالا طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا اخي من الاخ كيف حالك يا أخي معروف؟ comment vas-tu؟ من الأخ؟ يعني qui est le frère؟ qui es-tu quoi en fait؟ c'est-à-dire comme qui es-tu؟ bien que l'oratan littéralement parlant on dirait qui est le frère؟ أنا مهندس جديد. je suis un nouvel ingénieur. اسمي هشام. je m'appelle هشام. أنا من الولايات المتحدة. je suis des Nations Unies, États-Unis. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. أنا مسرور بلقائك أنا زميلك اسمي بلال بن حامد أمن واشنطن أنت يا هشام فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي سي فورمول دو بيانفينو à toi او mon frère Ana masrurun bilikaik, je suis heureux de te rencontrer. Ana zamiluk, je suis ton camarade. Ismi Bilalun ibn Hamid, je suis Bilal le fils de Hamid. Amin Washington anta ya Hisham, es-tu de Washington ou Hisham? Hisham yakul la. Ana lestu min Washington. Il dit non, je ne suis pas de Washington. Inni min New York. Et je suis de New York. Muslimun abouk ya Hisham. Donc est-ce que ton père est musulman ou Hisham? Hisham yakoul la huwa laysa bi muslimin. Il n'est sûrement pas musulman. Wa ummuk muslima hiya? Et ta mère est muslima? Hisham yakoul la hiya laysat bi muslima. Donc Hisham dit non, elle n'est sûrement pas muslima. Alaka abna'un ya Hisham? Donc as-tu des fils ou Hisham? Hisham, naam, li sittatu abna'in. Il dit oui, j'ai six fils. At-tullabun hum? Sont-ils des étudiants? La, hum, laysu bitullabin. Non, ils ne sont pas des étudiants. Inna ba'dahum tujjar wa ba'dahum muhandisun. Certes, certains d'entre eux sont des commerçants et d'autres sont des ingénieurs.

Maintenant, on va mettre Leïssa. Leïssa, c'est un verbe. Yufidu el nafi. Négation d'une chose. Vous voyez, je ne suis pas. Tu n'es pas, il n'est pas. Maintenant, on va rentrer Leïssa dans cette phrase. Kulna Muhammadun qa'imun. Maintenant, on va rentrer Leïssa dans la phrase. Ça va dire Leïssa Muhammadun qa'iman. Ça va faire le contraire de Inna. Vous voyez, ça va faire le contraire de Inna. Inna, c'est le. Son ism, il devient mansoub. Et son khabar, il est marfou. Ben, Leïssa, c'est le contraire. Son ism, il est marfou. Et son khabar, il est mansoub. Enfin, attention. La Mohammed, c'est pas un fa'il. Ça s'appelle ism Leïssa. Comme on avait dit pour Amma Inna Ism Inna, ben lui maintenant il est Ism Leïssa, et quand Iman il est Khabar Leïssa. Vous voyez ? Donc Ism Leïssa, Mayarabuhu Marfoua. Wa Khabar Leïssa, Yarabuhu Mansoub. Vous voyez avec la Fatha ou ce qui prend sa place. Donc maintenant, la phrase elle a changé deux sens et dans la grammaire. Avant c'était Mohammedun Qa'imun, Mohammed debout. Après on dit Laïsa Mohammedun Qa'iman, c'est-à-dire Mohammed n'est pas debout. Vous voyez ? Là ça yufid el nafi. Tout le temps. Laïsa yufid el nafi. On peut dire Mohammedun Laïsa Qa'iman. Non. Ça change rien du tout. Bah, ça fait que Mohammed il va redire Moutada. Et le ism Laïsa c'est un domaine Moustatir. Mais le sens c'est le même. Taïeb. Illa anahum, eux dans le livre, ils n'ont pas fait comme ça. Eux, ils n'ont pas mis. L'origine, c'est ça. C'est Ism Inna, Ism Laysa Afwan, Marfou, wa khabar Laysa, Mansoub, Laysa Muhammadun Qa'iman. Selon eux, ils n'ont pas fait dans cet ordre-là. Eux, ils t'ont mis quoi? Avec un hafouja. Bi. Leïssa, disait quelle heure? Mohammedun bi qa'imin. Voilà comment ils ont fait. À la base, il n'y a pas de harfoujar. C'est Leïssa Mohammedun qa'imin. Vous voyez? Mais souvent, très souvent, tu vas voir Leïssa, son khabar, il va être précédé par un harfoujar bi. Vous voyez? كما مثلا في قوله تعالى أليس ذلك بقادرين على أن يحيي الموتى طيب بقادرين يا avant c'est quoi ليس là le اسم الشرع revient à Allah سبحانه وتعالى eux ils ont traduit j'aime pas trop je sais pas ça fait un celui là tu vois mais bon la traduction je pense pas qu'elle soit en tout cas le اسم الشرع revient à Allah pour dire que Allah n'est-il pas apte à refaire vivre revivre les morts capable de faire vivre les morts, et ils ont mis bi qadirin. C'est la même chose. Et ce bi-là, c'est un harfoujar. Vous voyez ? Ça s'appelle harfoujar zaïd. C'est-à-dire à la base, on n'a pas besoin de lui. Il est juste venu pourquoi ? Pour. Comme il a un peu, il appuie la chose. C'est dans la langue des Arabes, c'est plus éloquent et c'est plus fort. Par exemple, si tu dis Mohammed, si on traduit la phrase en bi, laïsa Mohammedun qa'imen, c'est-à-dire Mohammed n'est pas debout. Et si on met le bi, Laïssa Mohammedun bi qa'imin, c'est Mohammed n'est sûrement pas debout. Vraiment pas debout. Vous voyez, le sens il est plus fort. Mais le sens c'est la même chose, c'est juste qu'avec le bi, c'est plus éloquent et c'est plus appui, plus la négation. Et ce harfoujar, le bi là, vous voyez, c'est harfoujar zaïd, c'est harfoujar qui est rajouté. À la base, on n'a pas besoin de lui. Vous voyez, point de vue, il y a des harfoujar. Elles ont une. T'es obligé de les mettre dans certaines phrases. Par exemple, on te dit Mohammed Zahaba il est le masjid. Il est là, c'est un harfoujar, t'es obligé de le mettre. Mais là, dans cette phrase-là, on peut s'en passer. Je dis pas il sert à rien. Tu vois, on peut pas dire il sert à rien. Surtout encore moins dans le Coran. Dans le Coran, même si ça s'appelle s'il est autorité, ça veut dire il est là. Dans autre que le Coran, on peut ne pas le mettre. Mais dans le Coran, il a chèque. Allah, s'il l'a mis, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais c'est pour dire que c'est pas un harfoujar lazim, un dont. La phrase, elle n'a pas de sens si tu l'enlèves. Si l'on pourrait l'enlever, on pourrait mettre Laissa Mohammedun Qa'iman. Seulement, on l'a mis là. Et dans le livre, ils ont mis que avec Harfoujar, comme tu as pu le voir dans le texte. Donc, ça s'appelle Harfoujar Zaïd. Vous voyez Zaïd. Et Qa'im, là, il est Majurur. Mais l'origine, c'est comme je te dis, il est Mansoub, Khabar, Laïssa. Là, ils l'ont pas mis dans le livre, mais je te le mets pour que tu saches l'origine de la chose. Parce que ça, à la base, c'est un surplus. Donc, vaut mieux que tu prennes l'origine de la chose et après le surplus. Eux, je sais pas pourquoi ils ont pas commencé par Qa'iman directement. Mais sinon, Kitab 3, ça va venir. Mais bon, ils ont mis comme ça. Donc ce Bé là, vous voyez, et il n'y a que Bé hein, qui vient, de ce que je sais. Après Laïssa, il n'y a pas Fi, il n'y a pas Ala, c'est tout en Bé, Zaïd. Attends, je cherche un exemple. Il y a Mine aussi qui revient à Zaïd, mais Mine, il ne vient pas après il. Après Laïssa, de ce que je me rappelle, le seul Harfoujar Zaïd qui est, c'est Bé. Harf. Harf. Jar. Zaïd. Donc le Khurasa, c'est que Laïssa, c'est un fier jamid, vous voyez, qui rentre dans la jumla ismiya et qui donne une négation de la chose. Maintenant, nous, on a pris des exemples avec Ism Zoya, Mohamed. Dans le livre, il va donner des exemples avec quoi? Avec Adamir. Avec Adamir. Il est où? Voyez, مثلاً ثالثا يقول تأمل ما يلي. Médite ce qui suit. Hamidun talibun. Hamid est un étudiant. Après il dit Hamidun laysa bitalibin. Donc là c'est Hamidun n'est sûrement pas un étudiant, c'est le contraire. At-tulabu sigharun. Les étudiants sont petits. At-tulabu laysu bisigharin. Voyez. Donc les étudiants ne sont sûrement pas petits. Là, on regarde, on a le wawu jama'a qui est venu. Et là, le wawu jama'a, dans cette phrase, laysu bisigar, c'est pas un fa'il, mais c'est un ism laysa. Voyez, c'est ism laysa. Et à la base, le khabar, c'est bisigar, seulement ils ont mis le harfoujar. Donc, il n'y a pas de nansb. Tu vois pas de nansb. Là, il est mashurur à cause du ba'. Mais l'origine, c'est « etouleb leysu siraran ». Donc là, le « waouh », ce verbe-là se conjugue comme les autres verbes. « Lestou »,« lesta »,« lesti »,« lestoum »,« lestouna », il est « rel zalika ». Il se conjugue comme les autres. Tu mets « domir » à la fin. « Aminatu tabibatun ». Donc « Amina » est un médecin. Le médecin, c'est toujours masculin en français. Tu dis pas une médecine, ça, je sais pas. Tu dis une doctoresse, tu dis pas une doctoresse. Une doctoresse, ça se dit pas du docteur. Ça se dit pas une doctoresse. T'es sûr? Non, on dit le docteur. Ah, donc je comprends, je crois qu'on dit doctoresse. Allah. Très inchallah. En tout cas, non, ma femme. Aminatu, tabibatun. Donc Amina est un médecin. Aminatu, leysat bitabibatin. Donc Amina n'est pas un médecin. Mais là, comme il y a le beurre, on va plus affirmer, n'est sûrement pas un médecin. Ou n'est point. On peut dire aussi n'est point un médecin. Je crois que c'est plus proche. Attendez. Et là, le thé, là, l'aïsat, c'est quoi ce thé? Tanif. Ah oui, c'est la même. Tanif et sakina. Qui vient pour démontrer que, à la base, le fa'il, le mu'annaf, sauf que là, c'est pas un fa'il, c'est un ism l'aïsat. El fatayatu mutazawijatun. Donc, les jeunes filles sont mariées. El fatayatu lesna bi mutazawijatin. Donc là, les jeunes filles ne sont nullement mariées. Et là, lesna, c'est quoi le noun là? Nun Niswa. Ça s'appelle Nun Niswa, comme on l'avait pris dans le Kitab Awal. C'est un Damir, pareil. Là, il est Ism Inna. Anta Kabirun. Tu es grand. Anta Leista Bi Kabirin. Donc, tu n'es nullement grand. Tu n'es pas grand du tout. Donc là, on a dit quoi à la base de Anta? Lesta. Comme Zahabta. Toyeb. Lesta. Antum Jududun. Vous êtes nouveau. Antum Lestum Bi Jududin. Donc vous n'êtes point nouveau. Donc là, le domir c'est tum. Anti fakiratun. Anti lesti bifakiratin. Vous voyez, le premier c'est tu es pauvre, et l'autre c'est tu n'es nullement pauvre. À une femme, moins de neuf. Antunna mujtahidatun. Vous êtes studieuse. Antunna lestunna bimujtahidatin. Vous n'êtes nullement studieuse. Vous n'êtes point studieuse. Ana mudarrisun. Je suis un enseignant. Ana lestu bimudarrisin. Je ne suis pas un enseignant. J'ai dit étudiant au début. Ah, c'est enseignant. Nahnu tullabun. Nous sommes, là c'est des étudiants là. Nahnu lesna bitullabin. Nous ne sommes plus nullement des étudiants. Mafoum ? Donc lesna, il est simple, le mana, et il est très souvent employé. Juste après, c'est savoir c'est quoi l'irlob de la phrase. Comment tu fais ça, son analyse grammaticale. Tandis, rabi'an. Atril. Leïsa al-Jumal Atiya. Donc toi tu dois rentrer Leïsa dans les phrases qui suivent. Awalen. Al-Babu Mourlokund. La porte est ouverte. Kef taqoul al-An? Leïsa al-Babu Mourlokund. Non, ou tu peux dire Al-Bab Leïsa bi-Mourlokin. Ou Al-Babu Leïsa Mourlokan. Si on enlève le bœuf, c'est comme ça qu'on dirait. Al-Babu Leïsa Mourlokan. Al-Maw Barid. L'eau est froide. Al-ma'u laysa bi-baridin. Naam, donc l'eau n'est point froide. Hishamun maridun. Hisham est malade. Hishamun laysa bi-maridin. Naam, Hisham n'est point malade. Abi na'imun. Mon père est en train de dormir. Ou dort. Laysa abi na'iman. Non, tu peux dire Abi Laysa Naïman ou Binaïmin. Toi, mets le harfoujar, c'est eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu mettes le harfoujar avec le bi. Adarsu sa'bun. Le cours est dur, difficile. Adarsu Laysa Bisa'ibin. Bisa'ibin. Bisa'ibin. Non. Donc le cours n'est pas dur, n'est point dur. Al masjidu qaribun. Al masjidu Laysa Biqaribin. Bikaribin. Bikaribin. Non. Donc là, la mosquée est proche et après la phrase c'est la mosquée n'est sûrement pas proche. On n'est point proche. Atiflu jo'anu. L'enfant a faim. Atiflu laysa bijo'anin. La. Laysa bijo'anin. La. Laysa. Mektoub. Il écrit. Bijo'ana. Ah oui, limada bijo'ana. Voilà bijo'anin. Ça, c'est un wasf avec un iPhone. C'est une description avec un iPhone à la fin. Faut attention là. Donc l'enfant n'a sûrement pas faim. Toyeb, Ikra al-Misalein, Soumatri Leïsa à la Jumal Atiya. Donc lis les deux exemples. Ensuite, insère Leïsa dans les phrases suivantes. Hua Tajirun. T'as Hua Leïsa bi Tajirin. Hua, c'est-à-dire là, c'est un commerçant. Et après, c'est ce n'est pas un commerçant. Houa mne diaben, il est du Japon. Houa laisse mne diaben. Et là, il n'est pas du Japon. Attention, dans le deuxième exemple, Houa laisse mne diaben, le mine là, c'est pas Fajar Zaïd. On en a besoin celui-là. Est-ce que tu peux dire Houa laisse mne diaben? Ça n'a pas de sens. C'est pas comme le bec en haut. Le bec en haut, on peut l'enlever. Mais le mine là, c'est un vrai Fajar. Yeb Asli. Attention à ça. Non. تفضل. السيارة جميلة. السيارة ليس جميلة. مي لو كلوب. ليس بجميلة. نعم. ليست. ليست بجميلة. نعم. أنا غني. Je suis riche. أنا ليس بغني. Attends juste le truc. Je sais pas pourquoi ils ont mis le deuxième exemple là. Je n'ai pas compris. Ouais, je vois pas le rapport. Peut-être qu'ils veulent qu'on rajoute nous aussi. Par exemple, tu dis Sayyara Jamilatun. Tu dirais Sayyara Lesat Bijamilatin. Et après, tu dis Hiya Min Salen Faramsa. Après, tu dirais Hiya Lesat Min Faramsa. Je pense que c'est ça qu'ils veulent qu'on rajoute de nous-mêmes. طيب tu avais dit quoi alors ana ghaniyun je suis riche ana laysa bighaniyin la comment tu dis ana laysa bighaniyin ana laysa ghaniyun tu obligé de mettre un isme laysa après laysa si tu dis ana ça veut dire quoi c'est comme si tu disais ana dhahaba il masjid lestu aywa ana lestu ana lestu la ana lestu bighaniyin on va rajouter Ana, مثلا, min Faransa, je suis de la France. Ana, lestu min Faransa. Non, je ne suis point de la France. Anta, faqirun, tu es pauvre. Anta, lesta bifaqirin. Faqirin. Faqirin. Anta, lesta bifaqirin. Non, le med est sur le ya. Donc tu es riche et l'autre c'est tu n'es point riche. Antamin, Antamin al-Jazair, tu es d'Algérie. Anta lesta min Jazair. Non, tu n'es pas de l'Algérie. Hiya, ah bah tiens, là il nous ramène. Hiya min al-Iraqi, elle est d'Irak. Hiya laysat min al-Iraqi. Non, là il a mis avec le mine. Il en a mis un seul apparemment. Puis ouais, il faut que. Je vérifie. Il y en a avec fille aussi. Il en a mis un seul. Inch'Allah. Nahnu askiyaou. Nous sommes intelligents. Allah barik. Nahnu lesna bi'atkiyaou. Bi'atkiyaou. Bi'atkiya in. C'est quoi la harakat de askiya? Nahnu lesna bi askiya un an in ou u a in. I. I la. Awa i. Askiya, dans quel bab il rentre? Aïwa, bi athkiya, misr ulama, fukara, taïb, arnia, ouzara, il est azalika. Hua azabun, il est célibataire. Hua laysa bi azabin. Non, il n'est point célibataire. Al mudarrisuna fil fusuli, les enseignants sont dans la classe. انتبه للضمير المدرسون لستم لا لا سي غايب ما تش بارو غايب il est pas présent c'est pas le مخاطب Laïsa Un jam. Jam ghaïb, c'est quoi? El mudarrisuna. Si tu mettais le fi'l dhahaba, tu dirais quoi? Dhahabu. Donc tu fais pareil que Laïsa. Laïsou. Laïsou. Laïsou. Fil fasli. Fil fusouli. Fusouli. Non. Anta ou anti zakiyatun, tu es intelligente. Anti lesti zakiyatun bidakiyatin. Non, tu n'es pas intelligente. Antum kibarun, vous êtes grand. Antum lestum bikibarin. Non, vous n'êtes point grand. Al talibatu fil maktabati, les étudiantes sont dans la bibliothèque. Al talibatu. Aïe, ouais. Laïsouna. Laïsouna. Laïset. Laïsouna. Ça, c'est Roy. Il y a Laïsna. Non, ni soit pas pâte. Comme Anissa Zahabna. La talibat, lesna. La canoun, fakat. Non. La talibat, lesna fil maktabati. Antunna talibatun jududun. Vous êtes des étudiantes nouvelles. Antunna lestunna talibatun jududun. Bijududin. Là. Bijou. Dis. Lestunna talibatun. Là. Là, le khabar, Laïssa, à la base, ça va être talibat. C'est lui qui va prendre le harf jar. Antunna, lestunna, bi. Talibatin. Nam. Joudoudoun. Là. Naat. Joudoudin alors. Nam. Antunna, lestunna, bi talibatin, joudoudin. Hakada. Vous voyez ? C'est simple. Le. Voilà, on voit ce qu'ils ont mis. Ils ont mis le Moutada, ils l'ont remplacé. S'ils l'avaient enlevé, ça aurait été plus simple pour que, par rapport aux exemples que moi je t'ai mis, mais ils n'ont pas fait comme ça, eux. Ta'akha, Inch'Allah. Sa'adisan, Adib al-Asilatil A'atiya bin Nafi Mustamalan Laysa. C'est-à-dire répondre aux questions suivantes par une négation en utilisant Laysa. Et là, tu vas le faire sans bi. Vous voyez, on va le laisser d'origine. Avec ism Laysa ou khabar Laysa. On a dit ism Laysa, il est marfou, ou khabar Laysa, il est mansoub. Eh, muhandisun abouka. Abi. Takul la, awana. La, abi, Laysa, muhandisan. Naam. Eh, mudarrisatun ummuk. La, ummi, Laysat, mudarrisatan. Naam. Atulabun ikhwatuk. La ikhwati laysu aywa tullaban. Naam. A mumarridatun akhawatuk. Est-ce que tes sœurs sont des soignantes? On a oublié de le traduire pour les autres, mais bon, c'est des phrases simples. La akhawati lay lesna. Naam, lesna. Lesna mumarridatan. La, tu vas dire mumarridatin. Mumarridatin. Le jamu anas faïda, comme tu verras plus tard, c'est pas celui du ders. Le jamu anas salim. Quand il est mansoub, c'est pas avec une fatha. Il est parmi les choses qui sortent de l'origine. C'est avec une kasra. Taïeb, ça viendra après, Inch'Allah. Taïeb. Amudarrisoun, anta, es-tu enseignant? La. Lestu, ana lestu, mudarrisan. Ajududun, antum. La. Est-ce que vous êtes nouveau? Nahnu, lesna. Lesna. Lesna. On doit bien différencier que nous n'y soit. Lesna. Joudouden. Naam. Adjadidatun. Seyyaratuk. Est-ce que ta voiture nouvelle, neuve? La. Seyyarati. Laysa. Ma. Lesta. La. Je l'ai dit tout à l'heure. Lesna. Là, c'est Ra'ib Mu'annas Mufrad. C'est un singulier féminin absent. Kif takoul? Laysat. Naam. La siyarati laysat jadidatan. Naam. Mafhoum ça là? Naam. طيب. يقول سابعا يوجه المدرس لكل من الطلاب أسئلة يكون جوابها بالنفي ويرد عليهم أو يرد عليه الطالب مستعملا لست. Nahu. C'est-à-dire que celui qui donne le ders, le prof, il donne des questions dont la réponse doit être une négation avec l'aïssa. Masalan akul lak. A anta min Tunis. لا انا ليس من تونس ليس لا انا ليس انا ليس من تونس لا ليس انا ليس لست ايوه لست من تونس لا انا لست من تونس On peut supprimer le ana, dire directement la lest min tunis. Si je peux supprimer le ana. Anta akhu Ismaila. La lestu akhu Ismaila. La lestu. C'est une question piège là. La. Laisse cette question là. Anta. صاحب إسماعيل هو أنت صاحب وفا إسماعيل لا لست صاحب صاحب إسماعيل نعم هنا صاحب مضاف إسماعيل مضاف إليه إسماعيل بكل الفتحة بسكو سعادة لا لا سمضاف إليه بسكو إلي من الصرف نعم Le « ach » à fond, j'ai oublié qu'on n'avait pas compris la règle du nasb avec « ach ». Ça viendra dans le kitab, Inch'Allah. Tayyib. Voilà ma foum. Ça va même ? Tayyib. « El-en-nukta jadida » On revient. Avec « inna ». أمسى هذا وتكتب هذا أولا نعم طيب اكتبه طيب on se rappelle qu'on avait pris dans le Moutada et le Khabar auparavant que le Moutada il peut être Moukaddam ou Mouakhar il peut soit avancer ou Afouen et le Khabar Mouakhar et que le Khabar lui peut être le Moutada tu fais passer après le Khabar tu fais passer avant le Moutada Masalan, tu dis Li Salasatu, Masalan Ikhwa Tayyib, Salasatu Ikhwatin J'ai trois frères Là, le Moutada est où C'est Salata Tour. Salata. Le Moutada, c'est Salata. Vous voyez Et il est Moutada Mouakhar. Il est Khabar Moukaddam. À la base, c'est Salata Tour Li. Mais ça se dit pas. Maintenant, si on entre Inna, on va dire comment Le Moutada, il va venir quoi Maintenant Il va devenir Ism Inna. Donc il va prendre son irlob. Il va prendre. Aïwa. Inna li. Salafata. Ikhwatin. Ça, ça ne change pas. Et là, pareil, c'est Ism Inna Mouakhar. Et la li, c'est Khabar Inna Mouqaddam. C'est les mêmes règles. Ce qui change, c'est la haraka. Toutes les règles qu'on a apprises dans Mubtada et Khabar, elles s'appliquent avec Inna. Elles s'appliquent avec la Allah. Elles s'appliquent avec Leïsa. Et les autres choses qui vont arriver plus tard, qui sont les choses qui rentrent dans Mubtada et Khabar, qui changent son irlob, sa grammaire. T'as même ? Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui vient là. Le point qui suit, le dernier, Inch'Allah. Il dit Ikra al-misal thumma atril Inna al-jumal atiya. Masalan yakul li salasu. Akhawatin. Pourquoi il a dit salasu et pas salasatu Parce que akhawat. Non. Osluhu, l'origine de cette phrase, c'est salasu akhawatin li. À la base, salasu li mutada et li li khabar. Et là, on a fait quoi On a fait un mutada mu'akhar. Vous voyez On l'a déplacé. Et on a mis un khabar mukaddam. Comme on l'a appris auparavant. Donc maintenant, si on rentre inna, on dit inna li salasa. Akhawatin. Wa asluhu, son origine à la base, c'est Inna Salasa Akhawatin Li. C'est l'origine. Ce mot-là, on a fait passer quoi le khabar devant الاسم اسم إنا. طيب يقول سا إن شاء الله تفقى على الميزان أيضا الثامن في البيت سيما غدا ما في درس وما يبقى كور إن شاء الله يوعد يتعلم. طيب نخوض الكلمات الجديدة لقاء لقاء في نقاط طيب لقاء في نقاط نهر سان فلور الجمع سي انهار إذا القرآن تقول سوفون تجري من تحتهم الأنهار يبدي فلوف مكتب البريد مكتب البريد سي لا بوست يبدي لا بوست جيد سي كم طيب سي بون كي شوز دو بيان دو بون برقية والجم سي برقيات سي التليجرام يبدي سي التليجرام Jaybun, c'est la poche. Et le djam, c'est djouyoub. Masrifun, c'est un lieu de change. Là où tu changes l'argent, la monnaie. Et le djam, c'est masarif. Masarif. Donc, khulasat dersina lyoum. Donc, le récapitulatif du ders d'aujourd'hui, c'est on a pris Leïssa. Vous voyez, Leïssa qui... donne une négation à une phrase. Par exemple, tu dis laisse tout kaza, c'est je ne suis pas telle chose. Et on a dit que c'est un fi'l jamid, il m'a dit, c'est-à-dire un fi'l qui ne s'utilise qu'à la forme du passé. Mais par contre, il accepte tous les doma'ir. Ana, laisse tout. Anta, lesta. Anti, lesti. Huwa, leisa. Hiya, leisat. Vous voyez ? Nahnu, lesna. Antum lestum, Antunna lestunna, Hum leisu, Wahunna lesna. Et pour tous les domaïr, et on a dit que leisa, il est parmi les choses qui rentrent dans al-jumla ismiya, qui à la base est muntada et khabar, et que le muntada, il devient ism leisa, et il est marfou, et on a dit que le khabar qui était à la base un khabar d'origine, il devient khabar leisa, et il est mansoub. Et que très souvent on s'utilise avec quoi? Harf jar zaid, bi. Par exemple, tu dis, lestu, bi, salem, ta'ajirin. Et ce bi, comme on dit, il est là pour appuyer le sens de la phrase. C'est partie de l'éloquence. Mais on peut s'en passer. T'as même? Elle a des casse-souhaits? Non. Taïeb. Fassanak tafibi'ada wa nakul, alhamdulillah, rabbil alamin.